ça vous plaît ce salon de l'agriculture? Ouais, dis donc, c'est vraiment... Tu peux enlever les doigts de ton nez, Alex, s'il te plaît. Non, j'ai dit c'est une bonne idée d'avoir mis comme ça la campagne au milieu de la ville. Tu sais qu'au départ, ce sont les villes qu'on a mises dans les campagnes. Pardon, ce sont les villes. Bon, ça va, laisse tomber. Bonjour. Ouh, c'est délicieux. Bonjour. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je fais le salon de l'agriculture. Bonjour. Ça consiste à dire bonjour à tout le monde. Oui, je suis jamais venu, mais j'ai vu faire les politiques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi les filles, moi la campagne je la connais. Bonjour. Ça c'est nouveau. Oui, j'ai regardé toutes les saisons de l'amour est dans le pré. Évidemment. Casse-toi pauvre con. Ça va pas là-haut, Alex. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai vu la télé. Déjà il faut retrouver l'équipe là. Ils sont où? Où est Guillaume? Il est parti interroger des porcs. Et qu'est-ce qu'il faut, Carlton de Lille? Des vrais porcs. Ah bon, d'accord. Et Dédé? Ah bah André il est tombé sous le charme d'une limousine. Ah ça évidemment, s'il est passé au stand du limousin. Ah non, c'est au stand des vaches. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, il était en train de la caresser comme ça avec sensualité. Presque du désir, j'ai envie de la sauter. Non, mais pas une vache. Mais dans une poêle, je veux être. Mais enfin, ça va pas, André, une vache. Ouh, ça a bien dû lui arriver. Bon, ça suffit là, on va bosser. Moi, je savais que c'était pas une bonne idée, salon de l'agriculture. La prochaine fois, on va aller à un congrès de numismate. En tout cas, c'est bête que Clara soit pas là. La baronne aurait adoré l'esprit. Ah oui, c'est sûr. Bonjour. Voilà. Allez, les filles, intégrez-vous. Faites un peu comme moi. Bonjour, monsieur. C'est beau, mais c'est loin. Bonjour. Bonjour la France Inter et bonjour le salon de l'agriculture. Bonjour. Nous sommes installés sur le stand de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, et vous entendez son public qui est chaud comme 20 steaks. Vous écoutez l'émission qui pend l'actualité à un croc de boucher. Et voici les trois informations qui vont finir sur l'étal de France Inter jusqu'à 18h. Trouver la vache parfaite, c'est un business lucratif. La France excelle dans le domaine. C'est un peu comme si chaque année, on piquait le génome de Miss France pour la vendre à l'exportation. Car comme on dit chez les gens proches de la terre... C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a encore tapé du rouleau à pâtisserie sur la table. En politique, la parité progresse à peine et encore sous la contrainte. La femme a encore du boulot pour se faire remarquer. C'est peut-être pour cela que Roselyne Bachelot a lâché la politique. J'ai un peu l'air d'une pute. Tout n'est pas si grave puisque... Tout n'est pas si grave puisqu'on s'écharpe sur la nouvelle chanson des Enfoirés. Elle joue du conflit de génération, certains la jugent réac. C'était mieux avant. Et pour désosser ces trois informations, je suis accompagnée de l'écarisseur de la blague, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et vous savez, je suis très heureux d'être ici avec vous, vous la poule, au milieu des coques de ce salon. La maman poule. À 17h20, celui qui s'y connaît en bestiaux, puisqu'il juge leur chant chaque semaine dans une célèbre émission de télévision. André Manoukian, bonjour, de quoi on va parler? Comment ça va Alex? Bonjour Charline, on va parler des animaux musiciens. Oui, il y en a. C'est alors? Mais à 17h30, celui qui toute cette journée aura été l'aiguille dans la botte de foin du salon de l'agriculture, l'intervieweur têtu comme une bourrique, c'est dire s'il est dans son élément, Guillaume Meurice. Bonjour Alex et bonjour Charline. Alors moi je me suis promené effectivement dans le salon ce matin et j'ai rencontré des gens. J'ai dormi ici avec les bovins et les fermières. Voilà, des gens qui ont dormi entre des bovins et des fermières. Et à 17h40, celui qui organise régulièrement des salons de l'agriculture chez lui, puisqu'on peut retrouver dans son salon régulièrement des morceaux de saucisson, des bouteilles de vin et des pintades égarées. Thomas VDB. C'est vrai, bonjour Alex. De quoi on va parler? Eh bien, en l'honneur de notre invité Geneviève de Fontenay, je vais faire une chronique exclusivement death metal aujourd'hui. Ah, bah oui, c'est son truc, et on terminera en musique entre le dindon qui glousse, le cochon qui roigne et le paon qui craille. Et nous aurons Frédéric Fromet qui chante. Si tu écoutes, j'annule tout jusque 18h sur France Inter et aussi sur les réseaux asociaux. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous un certain Albert, mais vous ne les faites pas, donc on ne dira pas qui c'est. Alors que vous êtes mannequin chez Balenciaga, vous êtes élu Miss Élégance en 57, c'est l'année de la première Eurovision. ouvrant la voie un petit peu à Miss Chanson Kitsch. Vous prenez la tête. J'ai des heures de vol, de rail et de route. Hein, de rail ? Mais de rail de quoi ? Vous prenez la tête du comité Miss France en 81 quand le coussin gonflable est commercialisé pour la première fois en Europe. Ça, voilà. Vous ne le saviez pas, hein, ça. Ça, non. Ça, voilà. C'est une émission d'information aussi. Et vous dirigez à présent Miss Prestige National, dont vous êtes la présidente d'honneur depuis 2011, l'année où Nicolas Sarkozy procède à une nomination de prestige, celle de Jeannette Bougrab à la tête de la HALD. Oui. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire. Ben moi, je suis Lorraine, de toute façon. Vous ah n'aurez oui. pas l'Alsace et la Lorraine. Non, je dépends de Lorraine. Et vous êtes saoul aussi, alors. Est-ce qu'on peut dire que vous seriez Geneviève de Fontenay ? C'est exact. Bienvenue. Sur France Inter, Charlie Van Lacker, Alex Vizorel, si tu écoutes. Je suis très fier d'être aujourd'hui dans ce salon de l'agriculture, représentant la France profonde, la vitrine de la France. Et je me souviens le grand intendant d'Henri IV qui disait, Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. C'est vrai. Geneviève, voilà. Vous ne faites pas votre âge, hein, dis donc. Hein. Vous répondiez à quelle question ? Parce qu'on ne vous en avait pas posé. Il y a tellement de bruit. Ah oui, d'accord. Mais je me pose mes questions. Hein. Oui, on avait bien compris. Geneviève, le salon de l'agriculture, c'est donc la vitrine de la France. Mais oui. Moi, je croyais que c'était Miss Prestige National, la vitrine de la France. Ah bah, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Ah. Parce qu'elle représente justement le terroir, le folklore, les traditions qu'il faut garder parce qu'on essaye encore de tout nous enlever en mélangeant toutes les provinces pour en faire plus qu'une. Soi-disant pour faire des économies, je ne vois pas comment on va faire des économies. Hein. Ah. Est-ce que vous pensez que ce serait bien, Geneviève de Fontenay, si on faisait une élection de Miss France Profonde, justement? Ah bah, Miss France Profonde, non, ça, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore changé de nom. Non. Cela dit, la réflexion de Thomas VDB n'est pas dénuée de sens, parce que si on reprend... Bah, c'est bien la première fois. Si on reprend l'historique, effectivement, les reines, au 19e siècle ou même avant, les premiers concours de Miss, historiquement, c'est les reines du village, les reines de la région, etc. Vous avez fait de l'histoire sans le savoir, Thomas VDB. Oui, nous sommes dans une république. Mais la reine, c'est en Angleterre. Et même d'après les chercheurs, au 19e siècle, les muses du peuple, c'est un concours, évidemment, qui est... Muse France, quoi. Muse France, exactement. Et alors, la devise, c'était de valoriser le peuple et le travail. Exactement. Est-ce qu'il y a encore un peu ces valeurs-là sous-jacentes ou pas du tout dans Miss Prestige ou les Miss en France en général? Mais si, justement, d'ailleurs, nous sillonnons notre belle France, les plus beaux village de France, comme fait Stéphane Bern, toujours avec beaucoup de succès. Qui a été Miss France, hein, Stéphane Bern. Non, Miss Élégance. Ah, pardon. Miss Élégance, parce que Louis de Fontenay était mon compagnon, on aurait dit que j'avais couché avec lui pour être élu. Alors, vous n'avez pas quand même. Hein. Non. Geneviève, donc, les muses du peuple, qui est le... en fait, comment on dit, L'origine des Miss France. Donc, valeur pour le peuple et le travail. Et pourtant, la Miss... Quand elle est élue, elle en fout plus une. C'est-à-dire qu'elle abandonne ses études ou elle travaille pas. Non, elle continue justement. Ah bon ? Comment est-ce que vous faites pour sillonner la France ? Marie Orphelin qui a été Miss France, qui continue ses études de médecine. Non, elles arrivent à conjuguer les autres. Il y a moyen de concilier les deux. Elles apprennent dans le TGV, elles apprennent dans l'avion, elles apprennent dans l'autobus, mais elles apprennent. Parce que maintenant que Macron a inventé le car, parce que vous savez, on va faire Paris-Bordeaux en 2 heures, mais vous avez le car et vous mettrez 5 heures pour aller à Bordeaux. Voilà, l'économie. Ah oui. Je voulais juste connaître la spécialité médicale de la Miss de comment s'appelle-t-elle, la Miss France qui est médecin. Marine l'orphelin. Voilà, elle va adopter quoi comme spécialité, vous savez pas? Je sais pas. Elle va être généraliste, elle va être quelque chose. Je sais pas. Donc c'était pour étudier c'est un petit peu. Neurologue. C'est pas proctologue. C'est une fille très intelligente que j'admire beaucoup. Imaginez, vous allez chez le toubib et c'est Miss France comment vous faites? Elle vous dit déshabillez-vous, tu fais quoi? Attendez, elles sont sous le capot les Miss Prestige National. Nous sommes en compagnie de Geneviève de Fontenay. On est ravis de vous avoir avec nous ici au Salon de l'Agriculture. Et venez Geneviève, on vous emmène au vent sur France Inter jusqu'à 18h avec Louise Attac. Ça va nous mettre une ambiance sur le stand ici, ça va être phénoménal. Une ambiance folle. Je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes part je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te ramènes. Allez, on vous emmène au Salon de l'Agriculture sur France Inter et sur le stand de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole et son public. La Mutualité Sociale Agricole. Avec Thomas BDB, vous l'avez entendu, avec J'adore Guillaume Meurice, avec wow. Alex Vizorek. Et je dois vous dire qu'on avait pensé inviter, au Salon de l'Agriculture, on avait pensé inviter Franck Leboeuf, Didier Deschamps, Yves Lecoq, Jamel Debbouze, pour rendre hommage à Michel Berger. Ça aurait fait une belle basse-cour. Oui. Ah, oui. Mais on vous a invité, vous, parce que c'était vous qu'on voulait. J'aurais fait la poule. Geneviève. Geneviève de Fontenay, avec entourée très bien. Geneviève, vous êtes très bien entourée. Je suis très gâtée. Alors, à votre gauche, Alex Vizorek, le gentleman belge. À votre droite, André Manoukian, le gentleman arménien. Vous avez tweeté cette photo et Ludmila, sur hashtag annule tout, a dit Geneviève et ses deux étalons parisiens pour l'élection de Mister Prestige National. Donc c'est soit André, soit moi, je ne sais pas qui. Ah, mais c'est pas mon rayon. Ah. Encore mais c'est vrai que l'élection d'une Miss ou d'un Mister sur une radio, ça n'avait encore été jamais fait. Et ouais, c'est une première. C'est difficile. Hein. Et c'est sur France Inter. C'est le seul endroit où j'ai mes chances, donc je suis ravi. Mais ne dites pas ça, Guillaume Meurice. Allez, une petite revue de presse à deux voix. Charline Van Macker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Arnaud Montebourg. Oui, il est en forme, il a donné son avis sur la loi Macron. Ah oui, mais moi je pensais qu'il était retiré de la politique. Hein. Il n'est donc pas retourné tel Cincinnatus à ses champs et à ses charrues. Non, il s'est pas retiré, vous le faites très bien. Il a même dit à Paris Match qu'avec lui, il n'y aurait pas eu besoin du 49-3 pour faire passer la loi. Ah bon ? Ouais, et c'est pas tout. Moi je pense qu'on peut dire sans se tromper que s'il avait joué France-Allemagne en 82, jamais Schumacher n'aura agressé Battiston. Non mais vous croyez ? C'est sûr. Et je peux même vous dire que si Montebourg avait été assis à la place de Jackie Kennedy en 63 à Dallas, jamais il y passait, JFK. Ah, mais vous croyez ? Non, mais pourquoi est-ce qu'il est jamais au bon endroit, Montebourg, alors ? C'est ça sa force. Il se rend compte après qu'il aurait été utile avant. Ah, d'accord. Oui. Et donc, je peux vous donner son épitaphe. Si J. Arnaud Montebourg, cet homme aurait fait un grand président de la République. Ah. Oui, mais n'empêche qu'il a failli être tué par la glace qui lui est tombée sur la tête là-bas aux États-Unis. Mais vous êtes bien informé, Geneviève. Et je me demande si c'est pas un sabotage. Parce qu'il peut encore gêner. C'est vrai, lors d'un dîner dans un restaurant aux États-Unis, il y a le miroir qui lui est tombé dessus au restaurant. Le miroir était jaloux. Et donc, il aurait pu faire un bon président. Avec sa chérie, Philippe Petit, qui l'a sauvé, qui a retenu la glace. Et alors là, il n'aurait jamais pu être président de la République, alors que je suis Arnaud Montebourg. Enfin, et ça j'approuve va, c'est ce pas message. Trop grave, il a juste un peu de mal au cou, mais ça va. Ça va, vous avez des nouvelles, tout va bien. Alors, passons à Robert Ménard, qui a eu une idée géniale pour les habitants de Béziers. Génial, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que tous les mois, il va tirer au sort trois Biterrois pour passer une journée avec lui pour le suivre dans ses activités. Wow. Disons qu'il aurait pu être plus. être plus malchanceux. Les gens, ils auraient pu passer deux journées avec lui. En tout cas, Geneviève, si un jour vous tirez au sort quelqu'un pour passer une journée avec vous et vos miss, moi, je veux bien. Voilà. Vous avez avec plus. Ben voilà, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Vous avez déjà Geneviève. Garçon, pourquoi vous êtes venu sans miss, Geneviève? Je me posais la question. Parce qu'elle est là-bas dans le nord. Et oui, d'accord. Mais nous aussi, on est belges. C'est sur mon chemin. Allez, terrible stress à Amsterdam à cause d'un hibou. Oui, un grand, un hibou grand-duc, pas un hibou duc grand. Un hibou, déjà attaqué 15 personnes, dont certains ont dû aller à l'hôpital avec des points de suture. Et je vous lis une déclaration d'un habitant. Pendant la journée, ça va, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, nous ne nous aventurons dehors qu'armés de parapluies, de chapeaux et de casques. Donc si François Hollande va en visite aux Pays-Bas, qu'il garde son casque, ouais, surtout. Et on termine par la chanson. Il avait une chéchia déjà, ça lui a pas. Qu'est-ce qu'il avait mis pour aller en Russie là? Une chape, comment une chapeau, une chapeau, une chicha, vous avez dit, vous. Il n'y a pas de hasard, hein, quand même. Une chapeau. Et on termine par la chanson des enfoirés dont on va reparler à la fin de cette émission. Oui, hein. La nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman qui oppose des jeunes à des vieux et qui aurait été considérée comme réac. Et même Jacques Attali a tweeté: j'ai toujours détesté les enfoirés. Non, c'est non, pas oui, vrai, mais ça. Alors lui, franchement, bah, oui. Non. Ferait mieux de se taire. Bah, hein, oui, bah, Dieu sait s'il a travaillé quelques enfoirés, bah, toutes tendances confondues, mais. Ah oui, c'est ça, mais bon. Allez, revenons à la chanson, Alex. Oui, et comme la nouvelle chanson des enfoirés est un peu limite, j'ai décidé de réécrire l'ancienne. On y va. Très bonne idée. Bonne idée, hein. Moi je file un rancard aux chanteurs qui tendent la main. Faites très attention quand vous voulez faire du bien. Ne croyez surtout pas que c'est votre grand soir, parce que dans vos chansons, il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de chanter des chansons comme ça. Cette année, les gens donneront pas. On saigne les oreilles, donc on saigne pas. On voulait une chanson d'amour, pas un texte qui plaît à Zemmour. Vous finirez par nous faire peur, les enfoirés des Restos du Cœur. Merci. André Manoukian m'a mis un rouge. André Manoukian saigne des oreilles. N'empêche que c'est la première fois que les Restos du Cœur ne ferment Alex, pas. Alex, regardez, ils vont être ouverts toute c'est l'année. C'est le public, qui va être en grande difficulté. Écoutez ce que dit Geneviève. Ah, oui. C'est la première fois que les Restos du Cœur ne vont pas fermer. D'habitude, ils s'arrêtaient après l'hiver, mm-hmm, parce qu'ils sont en grande difficulté et que je pense qu'il faut. Il faut vraiment que les jeunes, d'ailleurs j'entendais ce matin que des jeunes à Lyon, ils ont ouvert un Resto du Cœur et le responsable disait qu'il y avait beaucoup de jeunes, des bénévoles qui apportaient leur aide. Alors je pense que c'est vrai que les jeunes, eh bien, ils peuvent c'est aussi. C'est vrai, rappelons-le, aider les Restos du Cœur avec des dons et en étant bénévole, ça n'oblige pas, ça ne vous oblige pas à aller les voir les enfoirés ou à les écouter, ouais, je vous rassure. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche, essentiellement. Allez, on va bientôt retrouver le moment Maurice et André Manoukian et Thomas Védé. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai remarquée. Ah. J'ai vu que Valls et toute sa suite est allée inaugurer le Resto du Cœur. Et je me demandais si eux-mêmes, ils faisaient un chèque à titre personnel quand ils arrivent. Oh, Guillaume avait été, je crois, ce jour-là. Non, non, ils sont arrivés en tailleur Gucci. voilà. voilà. Bah, ouais. Et bien, c'est une honte. C'est voilà. On aurait dû choisir les sujets avec vous, Geneviève de Fontenay. Mais ils le font, mais discrètement. Sinon, ils parlent. Donc moi, je dis, la prochaine fois, on fait la conférence de rédaction avec Geneviève et on choisit les sujets ensemble. Elle est virulente, hein, Geneviève. Alors, on en a choisi un quand même. Moi, j'ai fait des chèques. Premier sujet cette semaine, il y avait aussi le mondial de l'agriculture et de l'élevage. C'est un salon de l'agriculture bis qui s'est passé au nord de Paris qui vient de fermer. Et c'est là que les éleveurs viennent se renseigner sur les dernières avancées de la génétique bovine. La vache parfaite n'est donc pas celle qui a la queue la mieux tressée, figurez-vous. C'est qu'au moment de choisir la vache parfaite, il y a toujours un détail qui ne va pas. Trop banal, trop fort, trop maigre, suivant. Ça va pas, non, trop typé, trop lourd. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part. Le concours de Miss Vache au Salon de l'Agriculture nous a fait penser à cette publicité pour la vache qui rit, vous rappelez, oui, où elle défilait sur l'écran. Ça existe depuis des mois, des années, mais c'est bon, une vache qui rit, moi j'aime bien. Mais en parlant des vaches, ça me rappelle, on vient de ressortir un dessin de Cabu, qui avait fait un dessin, alors on représentait un bâtiment avec Elva, Miss France, en démol, élevage industriel, Et puis un autre, c'était élevage en plein air. Geneviève de Fontenay, élevage en plein air. Ah, parce que les vôtres sont élevés au bon grain, c'est ça. Mais il paraît que, moi j'ai lu un article très sérieux qui disait que pour optimiser encore la qualité des vaches qui rient, l'usine vaches qui rient faisait carrément venir des clowns, en fait, pour vraiment les faire beaucoup, beaucoup rigoler, et de façon à optimiser la qualité du rire de ces vaches. C'est une exclusivité Thomas BDB. C'est vrai qu'elle rit pas toujours, les vaches. Ah, voilà. Mais alors, Geneviève de Fontenay, quelle serait la vache idéale? Parce qu'on comprend qu'au salon de l'agriculture, qui est plutôt grand public, etc., qui est considéré comme moins professionnel, c'est la jolie vache bien tressée. Et dans ce salon bis, celui des éleveurs, c'est la vache... je vais vous dire, hein, c'était dans Le Parisien cette semaine, la vache idéale pour les éleveurs, elle a une très bonne texture de mamelle, une bonne longévité et du lait à 37 de protéines. Elle n'a pas besoin de faire comme Nabila, une poitrine farcie. Mais alors, quelle serait la vache idéale pour vous? Est-ce que ce serait la jolie vache ou celle avec un ADN super puissant qu'on pourrait exporter? Vous voyez, c'est celle-là la vache idéale. Vous nous avez amené... C'est une photo de vous, Geneviève. Elle est affectueuse. Regardez. Oui. Attendez, c'est laquelle sur la photo, Geneviève? Oh, dis donc, t'as fini, tu dois respecter les personnes âgées. Il y a un panda à côté d'une vache. Geneviève de Fontenay est une habituée du salon de l'agriculture et est venue avec une photo où elle embrasse une vache. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc, alors on n'a pas de réponse, c'est celle-là. Mais qui est cette vache? Comment elle s'appelle? C'est une vache Lorraine. Ah, je n'ai pas donné son nom. Stéphanie, je crois. Mais on voyait qu'elle était vraiment touchée que je l'embrasse comme ça. Je crois que c'est la seule fois où elle était embrassée. D'accord. Alors, vous avez l'habitude de venir avec des miss au salon de l'agriculture? Ah oui, on est venu souvent, oui, bien sûr. Et alors, d'ailleurs, il y en a une derrière, c'est 2012, Christelle Rocard. Ouais. Alors, est-ce que vous... Je croyais que c'était une oie qu'il y avait derrière. Oh, ah, non, pardon, qu'on voit mal. Mais alors, le parallèle est facile entre les deux élevages, si je puis dire. Alors qu'il y a des colibés quand vous... Non. Vous savez, il y a des élevages partout. À l'Assemblée nationale, c'est un élevage aussi. Hein. on y vient. Et un fameux, Geneviève, vous avez tout à fait raison. À votre droite, il a un ADN incroyable. C'est le papa taureau qui vend ses gamètes à prix d'or à travers la terre parce qu'il est très résistant. C'est André Manoukian. C'est gentil. Et en même temps, il est tellement léger. C'est comme une bulle de savon dans l'air. C'est beau, Charline, ces lancements. C'est beau. Alors, bon, voilà, on est au Salon de l'agriculture. Pour moi, je vous avoue que c'est la première fois. Et du coup, j'ai fait des petites recherches musicales. On va faire un petit quiz musical. Ah. Ça a un rapport avec des animaux. Le premier, Geneviève. Est-ce que vous connaissez ce compositeur? Ça vous dit quelque chose? Bah ça, c'est du classique. C'est la. Oh, bah j'ai un trou là. Il est polonais. Oui, je suis Chopin. Shostakovich. Voilà, Chopin. Je le tente. Et ça s'appelle. C'est une petite valse rapide, une petite miniature qu'il a composée comme ça, un petit peu pour s'amuser. En même temps, c'est un exercice de virtuosité. Ah, parce qu'il faisait des grandes miniatures, lui, peut-être. Oui, merci de me. Merci, Charline. Merci, Charline, de me corriger. Voilà. Et donc. Ça s'appelle La valse au petit chien. Ouais. Et c'était dédié au petit chien de Georges Sand, qui s'appelait Marquis. C'est vrai. Chopin aimait beaucoup ce petit chien. Et donc là, c'est le petit. Il nous suggère le jeu du petit chien qui veut s'attraper la queue. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire de la musique pour un petit chien? On voit très bien où vous voulez nous en aller. C'est ce qu'il y a pour eux. Hein. Mais non, on voit le mouvement du petit chien qui court. Oui, on voit très bien. Mais on n'a pas essayé de le faire parce qu'on n'est pas débiles. On dit toujours qu'on se met derrière la queue du chien pour ne pas être mordu. C'est vrai. Je ne veux plus faire de chronique musicale sans Geneviève de Fontenay à ma gauche. Charline, c'est noté. Alors maintenant, un autre compositeur. Rossini. Et ça va être un duo de... Duo de chatte. Enfin non, pardon. L'œuvre s'appelle Duo de chat. Ce sont deux sopranes qui les jouent. Et en général, elles s'éclatent à faire ça parce que c'est un exercice éminemment technique. On dit que cette œuvre est prêtée à Rossini, mais en fait, elle n'est pas de Rossini. Elle est d'un Anglais qui s'appelle Robert de Persol, qui a pris un pseudo Berthold pour signer cette pièce. Et Rossini l'a intégrée dans une pièce qui s'appelle Othello. Et là, il s'agit d'une conversation amoureuse. Alors on se demande si c'est entre un chat et une chatte ou est-ce que ce sont deux chattes qui sont en train de se disputer à cause d'un gros matou. Miaou. Non, ça c'est une version. Geneviève fait les bruitages. Ça c'est un chat sauvage qui vient. Oui, Geneviève, vous êtes sauvage. On ne savait pas que vous étiez si sauvage. Ah ouais, oui, mais je suis multicarte. Benjamin Riquet, montez un petit peu la musique s'il vous plaît. Oula. Ah voilà, on l'entend. Vous avez miaou. Vous avez entendu? Non, non, mais je devais... C'est pas... Il est bien votre quiz, André, en tout cas. On s'éclate. Que Rossini me pardonne. Allez, bon, maintenant, là, c'est un petit hommage à Frédéric Fromet. C'est un... Comment on appelle ça, les chansonniers de l'époque. On est en 1961. Celui-ci s'appelle Jean Poiret et il va détourner une chanson de Jacques Brel. Un monument. Comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs, voilà. Brel filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la noyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Maintenant, c'est des euros. Brel à côte à 15. Geneviève, vous l'avez connu, Jean Poiret? La babette à 10 francs. Moi, j'ai lu plusieurs fois, mais beaucoup d'admiration pour lui. C'est un film formidable. Jean Poiret et Céro, ça, c'était un duo. Alors là, nous étions dans des œuvres qui évoquaient les animaux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va écouter de vrais animaux qui chantent. Le premier... en fait, c'est carrément le groupe Pink Floyd à Pompéi. Alors, dans leur album qui s'appelle Medal, qu'ils ont sorti en 71, la cinquième chanson s'appelle Seamus. Seamus, c'est le chien d'un copain de Gilmour. Et en studio, ils se sont... Alors, les Pink Floyd, ils sont dans une grosse recherche de sons. Ce sont les premiers à expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter dans un studio, à passer des pianos dans des cabines Leslie. Une cabine Leslie, c'est un haut-parleur qui tourne. Ils font des expérimentations. Et dans ces expérimentations, comme il y avait toujours ce chien qui traînait, ils se sont dit, et si on enregistrait le chien? Alors en studio, on peut faire des trafics. Sauf que là, on est en live. C'est le seul live qui a été enregistré où ils ont été filmés. Ça se passe à Pompéi. C'est un réalisateur qui fait ça pour toute une flopée de chaînes de télévision. C'est un live particulier puisqu'il n'y a pas de public. Et l'idée, c'est que Seamus n'est plus là. Donc, Gilmour, il demande aux Italiens de lui fournir un chien. Alors, cette chienne s'appelle Barzoi. C'est un lévrier russe. Elle s'appelle Nobs. Et alors, elle appartenait à Madonna Bouglione. Je vous l'invente pas. C'est la fille du directeur de cirque, Joseph Bouglione. Gilmour, il a une technique pour faire chanter les chiens. C'est qu'il va prendre son harmonica. C'est absurde. Hein, il prend son harmonica pour faire un blues. Et l'harmonica produit des ultrasons. Alors, on croit que le chien est en train d'avoir des râles de plaisir, mais peut-être qu'il y a un peu de souffrance dans ce chant de chien. Elle est presque dans la tonalité. Hein. C'est la nouvelle chanson des Enfoirés, c'est ça? Non? On peut conseiller aux jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un instrument de musique de torturer un chien? Alors non, alors il ne torture pas, le chien est couché, il le caresse gentiment et il lui joue un peu d'harmonica à côté. On dirait un peu du blues, non? Mais c'est un blues, c'est Gilmour qui est en train de jouer un blues, ils sont en train mais de jouer un blues. Il y a le carnaval des animaux. Oui, de Saint-Saëns. Mais là, c'est des vrais. Alors... Et donc, ça, c'est Mirza Bouglione qui chante. Non, non, non. Et t'as pas vu Mirza? Elle s'appelle Mirza. Elle s'appelle Nobs. Allez, maintenant, Thomas, vous connaissez. Ils s'appellent les Beatle Barkers. En fait, c'est des musiciens qui se sont amusés, mais soyons honnêtes, ils se sont amusés avec des samples de chiens. C'est-à-dire, c'est des enregistrements de chiens qui sont mis à bout musicalement. Bout à bout, c'est ça, j'ai du mal aujourd'hui. Et donc, avec la technique du sample, en fait, l'idée, c'est qu'on peut faire chanter n'importe quoi par n'importe quoi. Ça, on avait vu La Nouvelle Star, donc on s'en doutait un peu. Geneviève fait tous les doublages. On a une chaîne punk. C'est facile de vous faire chanter en fait, Geneviève. Ah oui, bah je m'adapte à tout. Est-ce que vous reconnaissez la chanson Love Me Do? Bravo, Alex. Alex, vous avez gagné, une nuit avec Geneviève de Fontenay. Oh enfin, une journée, je voulais dire. Toi et sa grand-mère, voyons, quand même. Ouais, mais c'est ça qui plaît, Geneviève. Du respect. Geneviève, vous avez des aboiements qui sont psycho-érotiques, je peux dire. Merci André Manoukian. Oh, merci, c'était un tel plaisir de préparer cette chronique. Mais oui, j'imagine. On a dit beaucoup de choses. Une chronique spéciale salon. On apprend toujours quelque chose. Mais oui, évidemment, chronique spéciale salon de l'agriculture. Mais vous êtes rémunéré, André, pour ces chroniques ou pas? Mais oui, mais attendez. Parce que c'est non, vous non. qui payez les chroniques d'André, hein, quand même. C'est le contribuable. Le public, non, moi, j'ai rien demandé. Est avec nous. Geneviève de Fontenay, je vous présente Guillaume Meurice, à nos côtés, qui pratique ce qu'on appelle le comique d'investigation. C'est-à-dire que c'est un humoriste Pratt, qui a déambulé ce matin, même toute la journée, dans le salon de l'agriculture. Et son humour permet d'enquêter et d'obtenir des réponses tout à fait particulières. Qu'est-ce qu'on va entendre? Eh bien, écoute, écoutez, Charline, je me dois aujourd'hui de faire mon coming out. Oui, je suis né à la campagne, en pleine Bourgogne. Et le fait d'être ici, en quelque sorte, c'est mon retour à la terre. Alors, un retour à la terre dans un hangar en tôle entre le périphérique parisien et des pigeons qui mangent du vomi de clodo. Bon, mais je suis content quand même. Respirez cet air pur. Voilà, je suis content. Et je ne suis pas le seul à être content d'être ici. J'ai rencontré notamment un jeune au sourire béat devant le stand d'une célèbre bière. Mais qu'est-ce qui le rend heureux comme ça? C'est la bière. Ah, c'est la bière. C'est la bière. Vous êtes complètement sous? Pas du tout. Non, moi, je suis très très bien. Je me suis levé à 9h. J'ai déjeuné avec des cacahuètes et des chips. C'était super. Et puis voilà, j'ai dormi ici avec les bovins et les fermières. C'était super, on s'en enjaillait hier soir. Avec les bovins et les fermières? Et les fermières. D'accord, qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais du lait. Elle m'a proposé une paire de seins. Voilà, donc pourquoi... Voilà, on comprend pourquoi il est heureux et un petit peu bourré aussi. Mais rassurez-vous, la police veille. Ils ont même un stand eux aussi. La gendarmerie et la police nationale a mis depuis 2007 dans chaque département des référents et des correspondants qui les assistent afin de répondre à toutes les demandes. Bon, j'ai vu que vous étiez juste à côté du stand des poulets. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je mange pas de viande. Je me sens pas concerné. C'est normal, hein? Alors, il ne mange pas de viande, donc il ne se sent et pas concerné. Sainte-Geneviève, c'est la patronne de la gendarmerie. Hein? Qui sache Sainte-Geneviève? Ah ben, on la salue si elle nous écoute. Bon, pourtant, de la viande, il y en a, hein, de la viande sur pâte de la viande décorée, comme à Miss France, hein, Geneviève. Ah, ça va. Ah oui, mais oui. Lancez-lui des objets, Geneviève. Non, mais parce qu'il y a, c'est vrai, ces fameux concours. Dans chaque section, vous avez un premier, et après, les premiers prix sont regroupés, la meilleure des meilleures, c'est la championne. C'est une sorte de ligue des champions de la vache. Voilà, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'elle a gagné, cette vache? Elle a gagné les championnes de France, voilà, c'est la seule chose. Après, il n'y a pas de prix de Romy, rien du tout. Ah ben elle va aller à l'abattoir comme les autres alors. Non, elle continue sa vie de vache, elle va faire sa carrière de femelle en bruit. Avant d'être égorgée. Ah, elle finira pas en steak. Si, elle finira en steak, mais dans 5, 6 ans, 6, 7 ans quoi. Elle a même pas gagné l'immunité? Non, elle a gagné le droit de se faire exploiter encore quelques années avant de passer à la casserole, ce qui me permet de filer la comparaison avec Miss France, que j'aiderais bien personnellement à passer à la casserole. Enfin bon, je m'arrête ici parce qu'il y a des enfants, et parce que le salon de l'agriculture, oui, ce sont des enfants également, dont certains voient des animaux pour la première fois. Alors, impressionnés? Bah ouais, un peu, parce qu'il y en a qui sont quand même gros, il y en a des différents. Est-ce que les vaches, tu les trouves belles? Oui. Est-ce que ça te donne envie de manger un bon steak? Non, pas trop, je vois, comme ça. Pourtant, t'en manges du steak ou pas? Bah oui, j'en mange. Pourtant, c'est le même animal? Oui, je sais, mais quand on les voit comme ça, ça fait pitié, quoi. Ça donne pas envie de les manger. Donc tu vas plus les manger? Oui, comme ça, je vais plus les manger. Voilà, alors il va de soi qu'en repartant du salon tout à l'heure, je ne passerai pas par le pavillon numéro 1, hein, celui où on retrouve tous les bouchers charcutiers. Sa voix n'a pas mué, Éric Caron, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on aurait pu croire, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je n'ai aucune volonté de finir sur un étal avec du persil dans le nez, entre du pâté de foie et une andouille. Je suis déjà assis pas loin d'Alex Viseur et que ça me suffit. Bah, j'ai été intronisé en douille de vire. Ah, et bah, tout s'explique, Geneviève, tout s'explique. D'ailleurs, Sophie Talman avait refusé. Oh non, je ne vais pas être intronisé en douille de vire. Bah, moi, elle n'avait peut-être pas besoin finalement. C'est un honneur d'être intronisé en douille de vie. Ah bah moi j'aimerais beaucoup. Ah bah j'aimerais c'est une spécialité qui est quand même. C'est bien. C'est le pays de Michel Drucker. C'est donc ça. Mon père était médecin là-bas. Oui. Je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Je suis un petit peu perdu dans ce raisonnement. Mais c'est pas grave. Ça nous permet de faire les petits jeux de mots sympas. Andouille. Parce que vous allez voir que les mots c'est très important dans l'agriculture, surtout du côté de quelques céréaliers qui sont réunis sous une même bannière. Mais alors pourquoi? Réaliser une communication commune avec un mot-clé, un slogan cette année qui est « Le végétal, c'est vital ». On montre. Ils ne sont pas trop foulés. Ah, c'est quand même 11 partenaires autour de la table, donc il faut quand même mettre tout le monde d'accord. Tout le monde... 11 personnes pour trouver ça? 11 structures, donc pas forcément 11 personnes. Ah, encore plus de personnes alors. Voilà, exactement. Donc 11 structures, donc c'est quand même un gros travail de mise en commun. Tu m'étonnes. Alors je suis quand même curieux de savoir ce que ça aurait donné si les types n'avaient pas fait ce gros travail. Peut-être ils auraient trouvé le végétal, c'est pas mal, le végétal, c'est mortel. Remarquez, ma dernière proposition aurait été plutôt crédible, car à bien y regarder, aucun céréalier issu de l'agriculture biologique dans ce collectif. Par contre, on retrouve l'UIPP, Union des industries de la protection des plantes, les spécialistes de produits phytosanitaires. Phytosanitaire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai longuement discuté avec un agriculteur qui en utilise. Les pesticides et produits phytosanitaires, oui, bien sûr, c'est la même chose. Je vous ai expliqué que l'un était la traduction anglaise, pesticide, on peut dire pesticide, ou on peut dire produit phytosanitaire. Mais vous employez jamais le mot pesticide? Non, on l'emploie rarement parce qu'il a une connotation négative. Ah bah oui, je suis con aussi, il y a une connotation négative. On devrait davantage réfléchir à ne plus utiliser de mots à connotation négative. Un viol, par exemple, bah c'est négatif. Hein, alors si on parle d'accouplement sportif, bah voilà, ça passe tout de suite mieux. Oui, non, mais c'est très important. Non consenti, ouais, j'étais non consenti quand même. Si vous voulez, on peut jouer sur les mots. Non, parce que l'accouplement sportif consenti, elle connaît, mais... Ah bon? Ah oui, alors là, c'est pareil. Les gens se sentent concernés. On apprend des choses sur France Inter. Vous voyez, On change le monde. Voilà, exactement, Alex. Bon, c'est très important, tout ça, les mots. Pour éviter de parler de pesticides, on parle aussi de médicaments. Ah. Vous avez des médicaments qui permettent de soigner des champignons. Et si vous ne les soignez pas, eh bien, vous pouvez développer des champignons qui sont cancérigènes. Donc, alors, on résume, soit on mange des aliments où il y a des pesticides dessus et c'est cancérigène, soit on fait rien et on mange des aliments malades et c'est cancérigène. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Derrière ça, il y a quand même tout un raisonnement. Ah oui, c'est ça, en fait. Ça m'avait un peu échappé. Alors, attention au mot raisonnement. Ici, ça veut dire industrie, économie, pognon. Bon, on est bien d'accord qu'en quittant le salon, je ne passerai pas non plus par le stand des céréaliers. Je ne veux pas finir comme ces milliers d'agriculteurs qui se suicident tous les ans dans le monde à cause de l'agriculture industrielle. Bref, je ne veux pas que mon retour à la terre se termine six pieds sous terre. Merci, Guillaume Meurice, avec une fin de chronique tellement joyeuse. Toujours au salon de l'agriculture, sur le stand de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, avec Geneviève de Fontenay. Et avec vous, Geneviève, on va aborder le deuxième sujet de cette émission, la parité politique. Elle ne semble possible que sous la contrainte, comme l'accouplement sportif non consenti. Alors, nos élus créent des lois pour imposer la parité, quand d'autres élus font tout pour la contourner. La politique, symbole du machisme à la française. La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. En France, monsieur, pas le droit de gifler les femmes. Non. Qu'est-ce qui se passe alors si elle parle? Il faut les écouter. Oh. Il faut les écouter si on les laisse parler, évidemment, ça c'est sûr. Alors c'est un article paru dans La Croix aujourd'hui parce que la Haute Autorité de l'Égalité rappelle que c'est bientôt les départementales et qu'il va falloir imposer des binômes paritaires pour avoir 50% de femmes et 50% d'hommes dans les assemblées départementales. Alors cela dit, Geneviève, la parité, vous savez, on parlait de la réforme territoriale tout à l'heure, vous parlez des régions dont le nombre diminue, oui. Mais la parité progresse grâce à cette réforme parce que parmi les 22 régions de France, une seule est dirigée par une femme. Mais grâce à la réforme territoriale, maintenant, il y a une femme sur 13 régions. Donc, on progresse. Ah bon, oui, on peut dire qu'on progresse à grands pas, ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que le monde politique est très macho. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, vous voyez pas beaucoup de femmes, pas plus qu'au Sénat, les vieux croutons qui dorment et qui ne coûtent rien et qui prennent leur retraite chapeau et qui, tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut... Vous êtes contre la retraite chapeau? C'est quand même la meilleure. J'ai pas la même retraite que les sénateurs. Et l'autre qui arrive, qui touche 2 millions en poignée d'or. Attendez, où est-ce qu'on est, là, franchement? Le golden welcome, chez Sanofi. Non. Ouais, je pense qu'il faut changer pour faire une 6e République avec une assemblée constituante et balayer tout ça. Vous êtes une véritable référente de la République. Vous avez des solutions Il faut les trouver, mais en tous les cas, il faut changer. C'est vrai que vous êtes engagé... La 5e est polluée, contaminée, il faut arrêter maintenant. Terminé, on change de sujet, terminé. Avec 16% de femmes seulement qui sont maires, attention. Alors, vous avez soutenu Arlette Laguiller, vous avez notamment soutenu aussi Ségolène Royal pour les présidentielles. Pourtant, est-ce que si une femme arrive au pouvoir, est-ce qu'elle ne risque pas de vous mettre des bâtons dans les roues pour les concours les de Miss? Les femmes feraient moins de guerre s'il y avait des femmes. Parce qu'elle donne la vie et elle la retire moins facilement que les hommes. Sauf peut-être Madame Thatcher, mais elle n'est plus là. Ah bah ça, Madame Thatcher, c'était... J'ai discuté ce matin avec une ministre belge qui me disait les femmes... Ah, vous êtes comme ça? Oui, mais j'étais en Belgique. Et on parlait de détournement. Parce qu'il y a beaucoup de détournements en ce moment en Belgique, des affaires qui sont ouvertes un peu. Et il n'y a aucune femme dedans. Elle me disait, je crois que les femmes, on a moins ça viscéralement de détourner de l'argent. Je prenais le petit déjeuner avec Barack Obama ce matin, il me disait la même chose. Certainement. Excusez-moi d'essayer d'apporter de l'information dans cette émission. C'est vrai, on a déjeuné avec François Hollande l'autre jour, c'est ce qu'il disait aussi. Je pense que les femmes seraient plus honnêtes et... Donc vous soutenez Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle? J'avais soutenu Ségolène Royal, non pas Marine Le Pen, non. Mais de toute façon, c'est pas une femme. Ah bon? Non, je sais pas. J'ai petit déjeuner avec mon frère ce matin et on n'a pas du tout parlé de ça. de parler d'autres choses. Oh, mais Thomas VDB, vous êtes là. Justement, comme vous avez le crachoir, on serait ravis de savoir de quoi vous allez parler. Ségolène aurait fait certainement une femme présidente de la République. Elle a des idées, elle est pas sotte, elle est une belle femme. C'est ce que je pense aussi. C'est mise femme politique. C'est à cause de Bayrou. Si elle n'avait pas eu Bayrou, elle aurait battu Sarkozy. Absolument, mais c'est à moi qu'a donné la parole. Charline, vous en êtes là. On peut faire un duo avec Geneviève de Fontenay. Puisqu'évidemment, de la musique et des actualités, c'est la page actualisique de Thomas VDB. Oui. Alors, les gens attendent. C'est un vrai rendez-vous au Salon de l'Agriculture. Alors, ce qui est bien, moi, c'est qu'en préparant ces chroniques, j'ai l'occasion de développer ma culture générale et d'apprendre des trucs. Par exemple, j'ai appris récemment que le président indonésien s'appelle Joko Widodo. Alors, comme vous, évidemment, je vois que tout le monde s'en fout, mais il faut savoir que Joko Widodo, le président d'Indonésie, est un énorme fan de hard rock et de heavy metal. Il est Metallica, AC/DC, Megadeth. Geneviève de Fontenay, vous préférez le premier album de Metallica ou le troisième de Megadeth? Oh, c'est pas moi, j'écoute pas ça. Eh bien, évidemment. J'écoute Jean Ferrat, moi. Eh bien, évidemment, c'est votre problème. Alors. Évidemment, lui, on l'embrasse. Alors, le président indonésien, lui, il saurait. Et vous verrez, ça c'est fou. C'est vrai que si vous tapez dans Google « homme politique, paradoxe, goûts musicaux », comme moi, vous serez très étonné de découvrir que, par exemple, Vladimir Poutine est le fan number one des Gypsy Kings en Russie, hein, ou que Marine Le Pen voue un véritable culte à Kassav. Alors, et donc, le président indonésien, lui, son truc à lui, c'est le métal. C'est le heavy metal. C'est un truc qu'on aurait du mal à imaginer en France. Imagine, je sais pas, tu vas dans un concert, par exemple, de Slayer au Zénith. Donc, tout le monde est dans le public en train de faire un pogo géant sur le morceau Angel of Death. Tout le monde est là. Et puis, d'un seul coup, tu te fais bousculer par un petit gros à lunettes. Et t'es là, oh putain, François Hollande. Et évidemment, ce serait quand même quelque chose qu'on aurait du mal à imaginer. Et ça fait rire le public. Quand vous dites alors, petit gros à lunettes, tout le monde rigole dans le public. On sait qu'il a maigri en plus, je suis un peu méchant. Alors, il faut savoir que parmi les groupes préférés de Joko Widodo, donc il y a un groupe anglais très connu, Joko Widodo. Ouais, ça fait rire aussi. On dirait un nom de héros de bande dessinée. Donc il a un groupe anglais très connu qu'il adore qui s'appelle Napalm Death et dont le chanteur s'appelle Barney Greenway. Hein, voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore des gens aujourd'hui dont le prénom est Barney. Hein, Barney qui n'est pas un prénom réservé qu'aux chiens dans les séries américaines. Hein, Toby, remets un peu de pâté dans la gamelle à Barney. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et donc Barney Greenway, le chanteur de Napalm Death, l'autre jour, il a découvert que le président indonésien était fan de son groupe et par la même occasion qu'une de ses compatriotes était dans une prison indonésienne en attente de la peine capitale. Et donc, faut savoir un truc, c'est que les gars de Napalm Death, ce sont de farouches opposants à la peine de mort. Hein, c'est un peu bizarre d'être dans un groupe de death metal et d'être contre la mort, mais bon, c'est comme ça. Et donc Barney Greenway, il a écrit au président indonésien en lui disant « Écoute, je suis le chanteur de Napalm Death et visiblement tu aimes notre groupe. Si tu as prêté un tant soit peu attention aux paroles, tu sais qu'on est farouchement opposé à toute forme de violence et de répression, qu'elle vienne d'un individu, d'un état ou de quoi que ce soit. » Et donc de demander au président la libération de l'anglaise et de deux Australiens qui croupissent actuellement dans des geôles indonésiennes. Alors je ne sais pas si vous imaginez si c'était aussi simple que ça. Hein, par exemple, je ne sais pas si Emmanuel Macron, par exemple, il était fan de reggae raga. Eh ben ça veut dire qu'au moment de la loi Macron, on aurait pu envoyer un reggae man pour régler le problème. Le mec a fait « Hey man, je suis chanteur de Rastafari, Babylon, sur le système. Alors si t'as un peu prêté attention aux paroles, eh ben tu sais qu'on est farouchement contre le 49-3. Bon, c'est vrai qu'à la base, on est farouchement pour la légalisation du cannabis, mais bon, on est aussi farouchement contre le 49-3. Et là, vendredi dernier, bien coup de théâtre, Barney Greenway apprend que l'exécution des Australiens va être repoussée d'un mois. Donc il se dit « Ah, j'ai peut-être bien fait d'intervenir », ce à quoi les autorités ont répondu « Non, non, c'est juste qu'il y a eu un souci technique, les exécutions sont repoussées d'un mois. En fait, les gars, voilà, la chaise électrique s'était déréglée. Il y a une vis qui était tombée. Ils doivent juste faire venir le réparateur. Bonne journée à tous. Merci. Merci Thomas VDB. Thomas VDB au Salon de l'Agriculture avec Geneviève de Fontenay avec nous jusqu'à 18h et on va aborder avec vous le troisième sujet, les enfoirés qui n'ont plus bonne presse depuis un certain moment, il faut le dire. Mais cette fois, les enfoirés se font traiter de réac. Depuis hier, la France est divisée, Geneviève. Par les enfoirés. D'abord, moi, je dirais... Pardon. J'excuse de vous demander pardon, non. Comme disait Fernand Reynaud. Geneviève, vous démarrez au quart de tour. Vous avez une forme, mais une forme. Ah, mais je suis née dans la Lorraine du Fer, attention. C'est ça, mais oui, voilà, comme Claire-Sophie Collet, qui prépare cette émission avec nous, la Lorraine représente. Et donc, bon, soit la France est divisée aujourd'hui sur l'hymne des Restos du Cœur, et ça, c'est triste, parce que c'est quand même une bonne cause. Bah oui. Here comes the time. When we need a real change, when the world must come together at one. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. We fuck the world. We fuck the world. We fuck the children. We fuck the children. Tous ensemble. Bon, avec un tube pareil, les enfoirés, là, je pense qu'ils auraient bonne presse, non? C'est bien, c'est bien meilleur. Est-ce que vous avez donné la parole à Geneviève maintenant sur ce sujet? Non, pas encore, Geneviève. Bah, est-ce que vous avez écouté la chanson? Le peu que j'ai entendu dans les radios et les médias, comme on dit, je comprends rien à ce qu'ils chantent. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils disent. Bah, déjà, ils n'articulent pas. Alors, je ne comprends pas ce déchaînement tout d'un coup là, qui déferle là. Alors, quel est le problème? Bah, je vous donne quelques paroles. Il y a un affrontement vocal. Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a une battle. C'est ça, une battle. Non, c'est une battle. Voilà, entre les chanteurs qui représentent une génération et des chanteurs plus jeunes qui représentent la jeune génération. Et par exemple, les vieux disent tu as toute la vie devant toi, et les jeunes disent c'est bidon, ça veut rien dire. Ou alors les vieux disent aujourd'hui j'en vis tellement ta jeunesse, et les jeunes répondent quel ennui, je l'échange contre ta caisse. Oui, non, mais il y a du vrai. Ben oui, c'est ce que je vous dis, la France est divisée. Il n'y aurait pas tout le chômage que ça si c'était si gai que ça et si réconfortant d'être jeune à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas un côté paternaliste, Geneviève? Non, c'est la réalité, faut l'avoir de face. Bah oui, oui. Les jeunes, il y en a beaucoup qui n'ont rien, qui ne peuvent rien faire, et malgré. C'est justement ça qu'ils reprochent en fait dans la chanson, c'est justement ça que les jeunes reprochent. Voilà, exactement. C'est des privilégiés, ceux d'avant. Oui, mais la chanson du coup veut dire l'inverse. Exactement, la chanson fait l'inverse malheureusement. Elle dit mais enfin pourquoi vous plaignez-vous? Vous avez toute la vie devant vous, c'est plus précieux. Oui, mais si c'est une vie de chien, c'est pas. Je m'excuse pour tes animaux là, mais bon. Dit-elle à André Manoukian. Je crois que c'est le coup de grâce pour les enfoirés parce que Geneviève les soutient. Mais non, Goldman s'est expliqué. Il dit que Goldman, c'est un homme de gauche. Oui, mais il dit justement que ce que disent les enfoirés, c'est en fait la parole qu'on n'aime pas entendre, mais qui est la parole la plus courue. Et donc, il dit, je voulais critiquer ça. Et il n'a pas été compris. Bon, en tout cas, ça nous donne des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. C'était peut-être trop intellectuel. Ouais. Sûrement. Et la France n'était pas prête. Mais la France, Geneviève, la France aime se diviser pour un rien quand même. Il y a une chanson qui sort et hop, on trouve mais elle non, est pour, mais elle c'est, est contre. Ça a explosé, ça m'a étonné cette explosion. C'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait une telle réaction? C'est vrai qu'il y a un malaise, c'est sûr qu'il y a un malaise. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de chanter pour les enfoirés ou pas, Geneviève? Ah non, tout le monde se sauverait. Mais pour parler de la cœur. Baisse un peu la bajour, viens près de moi t'asseoir. Voilà. Moi j'achète. Mais pour parler de la cause en soi, l'idée que des chanteurs puissent faire tout ça pour faire du bruit pour la cause, c'est quand même plutôt à défendre. Oui, mais c'est bien de se faire entendre, on a besoin de se faire entendre, de toute façon c'est ça qui fait qu'on peut exister par moments. Mais c'est vrai qu'il y a un grand malaise chez les jeunes et qu'ils ne voient pas leur avenir. Il y en a qui sortent avec des diplômes et qui se retrouvent caissiers dans une grande surface et tout. C'est vrai que c'est pas normal, et quand on voit les patrons de ces grandes surfaces comme Auchan, milliardaire, deuxième fortune de France, et qui prend encore 400 millions à l'État pour se renflouer, il y a quand même quelque chose qui va pas. Et voilà. Voit, c'est la lutte. C'est un beau chant. Alors, rappelons une évidence. Moi, ça me plaît pas qu'un sang impur à Brême de Sillon, c'est quoi un sang impur? L'étendard sanglant élevé, c'est violent tout ça. Vous avez raison. Faut changer. Et alors, rappelons une évidence, et c'est parfois bien utile, les enfoirés, c'est les restos du cœur, donc c'est normal qu'ils nous servent de la soupe. Et rappelons quand même qu'ils aident beaucoup de gens, ils aident par exemple Natacha Saint-Pierre à avoir une actualité, et ça c'est bon. Et là, à cette heure-ci, Geneviève, c'est un grand moment, parce que c'est le moment qu'attendent beaucoup de nos auditeurs le vendredi. Bonjour, viens prêtez-moi ton soir. Eh oui, il a un joli grain de voix, il s'appelle Frédéric Fromé, il vient tous les vendredis avec sa guitare, et ça envoie. Frédéric, bonjour. Bonjour Charline. Alors, que vous préparez-vous, nous, pour le salon de l'agriculture? un morceau de Carla? Oui, sans doute. J'ai une question. Oui. On dit que les vaches aiment regarder passer les trains. Ah oui? Est-ce qu'elles aiment aussi regarder passer les Parisiens? On va le savoir. Ah, si les vaches avaient des mains pour tâter le cul des Parisiens. Des Parisiens à la porte c'est de charmant. Versailles, se masturbant devant une botte de paille. De la paille, oh oui, oh oui, oh oui, comme dans la petite maison dans la prairie. Mais ici, c'est la capitale. Pas de gluten dans les céréales. À Paris, on aime les animaux pomponnés comme pour aller au bal. Une vache avec des bigoudis. Ne bouge pas, on va faire un selfie. Ah si les vaches avaient des mains. De Versailles, on ne sait plus qui est vraiment le bétail. Par ici, le Parisien bobo qui ne jure que par le vin bio et qui cherche partout sur son appli où se trouve le stand des sushis. Et par là, le Parisien savant qui sait tout, par Yann Arthurs Bertrand qui connaît donc parfaitement la terre pour l'avoir vu du ciel dans un documentaire. Assis les vaches avec des mains. De volaille. La cambrousse pour un parigo. On doit pouvoir y aller en métro. Juste le temps d'une après-midi. Bien au chaud, à l'abri de la pluie. Il faut bien quand même quelques pétros. C'est indispensable à la déco. Des chronicos portés sur la bouteille. Le teint rougeau et du poil dans les oreilles. Assis les vaches avec des mains. Mauvaise graine, bavant devant un bouc de la race qu'elle préfère. Ce n'est pas un scoop, un bouc émissaire. Pour revenir aux vaches, j'ai lu que la Le Pen serait même capable d'expulser la Noiraude. Ah si les vaches avaient des mains pour tâter le cul des Parisiens à la porte de Versailles, se masturbant devant une botte de paille. Merci Frédéric Fromet. Geneviève de Fontenay nous a dit c'est mieux que nique ta mère. Et c'est vrai. Et c'est tous les vendredis sur France Inter. Merci mille fois Geneviève d'avoir été avec nous, présidente d'honneur du comité Miss Prestige National. On était ravis de vous avoir avec nous. Merci à tout le monde, à Thomas VDB, André Manoukian, Alex Vizorek, Guillaume Merci. Meurice. C'était un plaisir. On Merci va se retrouver lundi avec Fauve. Et on vous laisse avec un homme proche de la terre qui sait comprendre les agriculteurs. On dit une chose dans ma famille et dans mon pays. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.